Il y a tellement d'événements qu'on aimerait ne plus jamais voir. Tant de châtiments hideux qui plongent des vies dans le noir. L'histoire est truffée d'atrocités en tout genre, de meurtres et de sang qui me retournent le ventre. Plus jamais je ne veux entendre parler de génocide, de massacre, de racisme ou d'un simple homicide. Plus jamais je ne veux observer des armées se déployer avec comme unique intérêt l'or noir qu'elles désirent s'octroyer. Plus jamais je ne veux voir l'équivalent d'Hiroshima. Jamais ouragan comme Katrina bouleversant le climat. Jamais je ne veux que soit impuni un assassinat, surtout quand c'est un GI qui tue dans l'anonymat, boy. Jamais je ne veux revivre ce que j'ai vécu le 11 septembre, ces images d'apocalypse qui m'ont torturé dans ma chambre. Plus jamais je ne veux entendre résonner le bruit des bombes. Je sais que tout ça est utopique et c'est bien ça le con. Les attentats de Madrid et de Londres, plus jamais ça. Le plantier dans l'extermination, plus jamais ça. La pédosexualité dans ce monde, plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais, plus jamais ça. Les continents rongés par la faim, plus jamais ça. L'apartheid et la ségrégation, plus jamais ça. Entrer en guerre pour une religion, plus jamais ça. On sait que c'est perdu d'avance mais on veut plus jamais ça. Je pourrais plus tomber en larmes ou m'effondrer pour une séparation. Et puis sombrer en dépression en perdant son apparition. Envoyer péter ma meuf parce qu'elle s'est tapée mon pote. Et après taper mon pote parce qu'il a pété ma meuf. Y'a rien de neuf, plus de salopes infidèles, plus de pute caractérielle. Je me fous d'elle. Certains ont su voler dans mes quelques économies pour aller taper de la côte dans mon dos une sodomie. Parlant d'elle, je ne voudrais plus laisser un tas d'amis pour rester en face à face jusque tard la nuit. Quand tu la déposes en tâche, tu lâches plus la lune. L'air posé après chaque tape et ça pue la lune. Y'en a marre de perdre des proches, surtout quand c'est pas leur heure. Là où faudrait qu'ils affichent à croire qu'ils ont pas l'horaire. Partageant trop d'erreurs, vos pères est dans ma colère. Là, lever la voix sur mamie et la main sur ma mère. Marre de voir de l'âme coulée causée par l'ignorance humaine. Visage noyé sous les tracas, sourire facial cachant la peine. Une baba m'a prise ce soir entre 19 et 20 heures. Le JT avant les Simpsons, pur et simple. Mon mal de ventre me reprend quand je pense à Gwen Oldfield. Car à quoi peut-il la vie se perd trop vite. Ne rêve pas de vivre. Vis dans tes rêves, oh. Pille dans tes rêves. Allez. Brise dans tes chaînes. Comment comprendre ces passions soi-disant révolutionnaires, tuant des innocents allant jusqu'à violer des mères. Merde, ça me touche au plus profond de ma personne. Comme ces femmes anorexiques ou boulimiques vomissant dans leurs chiottes. Je veux plus voir l'amour me bouffer, détruire mon avenir. Désire voir la paix envahir la planète où mon fils va grandir. Plus se faire avoir sans le savoir, prévoir coup de business. Baisse gros, je perds 14 000 euros. Cassage de bail, tout le monde s'est bien retourné. Je veux plus entendre de la bouche d'un proche, tu t'es fait baiser. Entendre ma femme mentir sur ses aventures, criser d'apprendre qu'elle sait faire tourner par une raclure. Ma famille et ses mensonges de merde, plus jamais ça. Manquer de respect à son père ou sa mère, plus jamais ça. La dépression qui me bouffe les nerfs, plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais, plus jamais ça. S'enfermer seul, torturer par sa peine, plus jamais ça. Me contenter d'un euro par semaine, plus jamais ça. Ma soeur frappée par un virus mortel, plus jamais ça. On sait que c'est perdu d'avance mais on veut plus jamais ça. Je ne veux plus jamais me faire trahir par la sauce naïve et sincère, mais peut-être être bien trop sage, je m'en souviendrai. Je n'oublierai pas les marques que laisse un bon traître ou une info. Je ne veux plus que l'on me parle de race. Il est plus que temps que l'on pratique une table rase. Qu'on se tourne vers le partage, le couvre sera fatal. Les veines ou le flamme spelang qu'on étouffe ces bâtards. Il faut se passer le mot. J'abattrai un homme si je le vois draguer un mot. Cette époque, je la supporte mal. Ça m'étonnerait pas de me faire trouer le corps de balle. Parce que je veux plus qu'on me la ferme. Je parle ce que j'ai vécu et tous les trucs j'ai dans la tête. J'en avais marre d'en avoir une de dure. C'est pas la peine, on me verra jamais recevoir des patates à la chaîne. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais, plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. On sait que c'est perdu d'avance mais on veut plus jamais ça.